À la télé, les films, les Français, leur passé. Petit Mongolo veut faire de la musique. Petit Mongolo veut chanter une chanson. Petit Mongolo veut faire dans le lyrique. Mais Petit Mongolo est Mongolo pour de bon. Petit Mongolo, petit trisomique, fait de gros efforts, il met vraiment du sien. Mais Petit Mongolo, ce qui est vraiment pathétique, c'est tout le monde se fout de ta gueule et que toi tu n'y vois rien. Petit Mongolo, handicapé mental, plutôt qu'être ridicule, va plutôt trier des clous. Car dans ce domaine, c'est bien toi le plus génial. Y'en a pas deux comme toi pour trier des clous. Y'en a pas deux comme toi pour trier des clous. Allez! Sympathie. Néanmoins, je remercie ceux qui sont allés jusqu'au bout. Il ne me reste qu'une phrase pour laver mon infamie. Mais comme par hasard, je n'ai plus l'idée du tout. J'ai grillé pas mal de mon capital sympathie. Mais vous le saviez déjà, moi je suis un gros relou. Et puis j'ai bien le droit de dire un tas de conneries. Car moi aussi je suis un peu mongolo après tout. Je suis un peu mongolo après tout. Et moi je n'y peux rien.